Bossa, c'est pas bossa. La bossa, c'est ça. Bossa nova. Bossa nova. 2, 3, 4, 6. Synthé, Mon synthé, je l'entends pas très bien. J'entends pas mon clavier. Cette musique, à bout d'un moment, c'est un peu casse-couille. Je me vois pas écouter ça toute la nuit. À moins de boire un maximum de rhum et d'être malade le matin. Et d'être malade le matin. Qu'est-ce qu'il dit, lui? J'ai trop envie d'écrire aux chaînes le groupe M6. Moi, je préfère Arte. Personnellement, je regarde Arte. Arte, la 5. Les Français veulent savoir. Oh, my, let me know. Get put up a big cone. Thank you.